j'ai fait ce que j'ai pu. Aucun parti à défendre. Souvent j'suis ailleurs. Faut pas que tu le prennes. Cherche juste la faille. Et tu sais que j'n'endors plus le soir. On dit ce qu'on vit. Il parle dans le vide. On dit ce qu'on vit. Il parle dans le vide. Choisis ton camp. J'ai la recette, perdons pas de temps. On fait comment? J'ai la recette, on fait comment? Tu fais des trucs gros chelous, gros chelous, trucs gros chelous. Tu fais des trucs gros chelous, gros chelous, trucs gros chelous. Comment grandir après un tel échec? Moi j'ai jamais changé le fusil d'épaule. J'suis toujours restée la même. Mes succès ramènent problème. Choisis ton camp, j'ai la recette, perdons pas de temps. On fait comment? J'ai la recette, on fait comment? Tu fais des trucs gros chelous, gros chelous, trucs gros chelous. Tu fais des trucs gros chelous, gros chelous, trucs gros chelous. Je sais ce que j'ai à faire, ils n'ont qu'à me juger. Ils n'ont qu'à me juger, qu'ils disent ce qu'ils veulent. J'ai déjà prouvé. J'ai déjà prouvé, je sais ce que j'ai à faire. Ils n'ont qu'à me juger. Ils n'ont qu'à me juger. Ils n'ont qu'à me juger, qu'ils disent ce qu'ils veulent. J'ai déjà prouvé. J'ai déjà prouvé. Choisis ton camp.